Giron, ton petit sommelier. Le bon cru. Dis donc, il est Giron, ton petit sommelier. Le bon cru. On se voit ce soir ou vendredi. I need some love, I need some ditty. Bon, je peux pas croire tout ce que tu dis. Chez toi, mentir, c'est une maladie. Je trouve ça bizarre comme pour les ditty. On se réveille tard l'après-midi. Mais je reste pas la journée au lili. Faut que j'aille au stud que j'étudie. Quelle auto-tune, quelle mélodie. Les thunes sont cachées dans leur ditty. Toi, moi, c'est ton génie et titi. De génie sur le disque. Je nous métis sur 10 juste avant que ça parte en 10. T'as laissé trop d'indices, donc j'ai compris que t'en vois d'autres. Ça y est, je prends mes distances, c'est bien sûr que c'est ta faute. Moi j'aime quand c'est tout, j'aime quand c'est dit. Dommage, y'avait tout, nous deux c'était la dream team. J'aime pas les doutes, après je trip. Dommage, y'avait tout, pour toi j'ai plus d'estime. Non. On se voit ce soir ou vendredi. Je réponds plus, je me suis interdit. Bon, je peux pas croire tout ce que tu dis. Chez toi, mentir, c'est une maladie. Je trouve ça bizarre comme pour les titi. Je pense à toi toute l'après-midi. Mais je reste pas la journée au lili. Faut que j'aille au stud que j'étudie. Quelle auto-tune, quelle mélodie. Les thunes sont cachées dans leur titi. R&B 90, j'aime les câlins, j'aime les kiss. Tu m'as trop prise pour acquis. Je peux savoir, tu parles à qui hein. Tu réponds check. Après 2 ans, tu reviens check. Jamais la pointe dans l'échec. Je prends la pause et je prends mon chèque. On se voit ce soir ou vendredi. Je réponds plus, je me suis interdit. Moi, je peux pas croire tout ce que tu dis. Chez toi, mentir, c'est une maladie. Je trouve ça bizarre comme pour les titi. Je pense à toi toute l'après-midi. Mais je reste pas la journée au lili. Faut que j'aille au stud que j'étudie. Quelle auto-tune, quelle mélodie. Les thunes sont cachées dans leur titi. Laisse tes jolis souvenirs. Surtout quand je m'en vais partir. Et bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver, les sommeliers du rap. Vous êtes dans les bons crus avec Julien, Simon et moi-même Jérôme. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Très bien. Au très top. Content, très content d'être là. Vous avez survécu au Covid? Évidemment. Pour l'instant on est là. On est là. On est là. Et on est là avec une récolte. Voilà, on attaque donc cette reprise de la saison dans les studios de Radio Campus Bordeaux. Avec une petite récolte et le premier morceau qu'on vient d'écouter, Simon, ça fait partie de ta sélection. C'est dans ma sélection, donc c'est Didi de l'artiste Jade. Donc Jade, c'est une artiste que j'ai découvert cette année sur les réseaux sociaux, Twitter pour le citer. Et le truc que j'essaye d'arrêter. Ouais, moi aussi j'essaie de limiter, mais bon, c'est compliqué. Mais ça me fait découvrir des fois des trucs sur lesquels j'aurais pas pensé forcément tomber. Et je ne l'avais pas trop vu passer dans mes radars, mais là, je me suis arrêté sur son album qu'elle a sorti cette année, ou plutôt son EP, qui s'appelle Première fois. Et donc là, ce titre, Didi, il vient de sortir. Et après avoir écouté en fait, son premier album, je pense que ça, c'est la meilleure musique pour l'instant qu'elle a produit. En tout cas, j'aime bien cette direction qu'elle prend. Alors, moi, c'est un titre qui n'est pas sur l'album, celui-là? Non, c'est un titre qu'elle a sorti là. Je ne sais pas si c'est voué être un single pour un futur projet. En tout cas, moi, j'attends quand même pas mal de cette scène. Voilà, c'est entre... je sais pas, R&B un peu trap aussi, des fois elle fait des fois elle rappe vraiment et des fois elle est plus sur cette formule chantée. En tout cas moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une voix assez sensuelle. Voilà. Moi je connaissais pas, petite découverte. Voilà. Ouais, je connaissais pas non plus, voilà. C'est très agréable. Ouais, franchement c'est doux, c'est doux dans les oreilles. Elle a l'air intelligente, cette fille. Voilà, j'aime bien la direction qu'elle prend. J'attendrai de voir ce qu'elle fait par la suite. Que ça va donner, ouais. Ouais, ouais, c'est un peu cette... J'ai pas l'impression qu'elle vient du rap. J'ai l'impression que c'est de la chanson qui prend les codes du rap, tu vois, un peu. Un peu, ouais. C'est après le R&B. Enfin, je dis R&B parce que pour moi, c'est toujours un peu... Il y a toujours une influence un peu, voilà, hip-hop, rap, ouais. Quoi qu'il arrive. Après, franchement, j'attends quand même un peu de... Bah, ce genre de bonnes surprises dans le, justement, en France avec le R&B. J'aime beaucoup ça et j'écoute du R&B américain surtout. Et en France, c'est vrai que j'ai jamais trouvé des trucs qui me okay. plaisent vraiment. Et ça me plaît. Pas mal. Donc voilà, c'était Jade avec Didi. Et Julien, tu nous as ramené un petit Rich the Kid, je crois. Ouais, exactement. J'ai ramené Rich the Kid. J'ai écouté son album. C'était... pendant le confinement, en fait, que c'est sorti. Je suis sorti le 1er avril. Et j'aime pas tout de Rich the Kid. Ça dépend quel morceau. Mais ce morceau-là, franchement, j'avais vraiment trouvé incroyable. Et j'avais envie de le passer dans la récolte pour faire découvrir Rich the Kid à ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, c'est un morceau qui s'appelle Stuck Together avec Lil Baby et Future. Donc je l'ai pris un peu parce que... parce gros que, featuring quoi. Ouais, gros featuring. Surtout parce qu'il y avait Future. Et Future, son couplet est incroyable. Ouais. Donc en fait, l'album s'appelle Boss Man. Pour ceux qui ne connaissent pas Rich the Kid, c'est un rappeur de 28 ans, de New-Yorkais, qui est signé chez Quality Control. C'est un label d'Atlanta. Ouais. Ah, il est New-Yorkais. Ouais, il est New-Yorkais. Ouais, j'aurais dit un mec d'Atlanta. Quoi, mais ouais, mais il est dans un label d'Atlanta, Quality Control, qui a signé Lil Baby, Lil Yachty, Migos, Megan Thee Stallion, enfin plusieurs personnes d'Atlanta. Donc du coup, bon, je pense qu'il fait de la musique d'Atlanta en venant de New York, c'est absolument pas du tout un problème. Voilà, l'album est à mon goût inachevé. Enfin, en fait, il est imparfait, je trouve. Il y a beaucoup de featuring et je trouve que ça se marie pas forcément des fois très bien. Manque de cohésion un peu. Ouais, un peu de manque de cohésion et puis des fois des morceaux un peu mous, tu vois. Mais bon, celui-là en tout cas manque pas de pêche et j'ai bien aimé. Et du coup, bon, moi je vais pas écouter l'album du coup vu ce que tu m'en dis, mais à part le morceau que tu vas nous passer là, Stuck Together, tu conseilles quoi du coup sur cet album-là? Laisse-moi me remettre la tracklist, comme ça je vais te dire exactement. Mais Rich the Kid, si je ne m'abuse, je l'ai découvert il y a assez longtemps, mais il avait fait un featuring avec Kendrick, non ? Qui s'appelait Freezer, un truc comme ça, non ? Ouais, New Freezer, il s'appelait. New Freezer, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, le morceau Stuck Together était donc très très bien. J'avais trouvé le morceau... avec Youngboy Never Broke Again qui était pas mal, ouais. Qui s'appelle Rax. J'avais bien aimé aussi le morceau avec London on a Track. Il a cité le beatmaker, du coup donc je trouve ça marrant. Et il y avait le dernier morceau, donc en fait il a mis Stuck Together avec Lil Baby et Future, et en dernier il avait remis Stuck Together juste avec Lil Baby, voilà. Mais bon, il y avait le morceau avec Quavo aussi qui était pas mal, That Stuff, mais faut l'écouter, c'est pas mal, mais il y a que des featuring, il y a Post Malone, il y a DaBaby, il y a Nicki Minaj, il y a Lil Trey, enfin il y a plein déjà de... On va écouter ce morceau là ouais, et puis on verra pour la suite. C'est parti. The money get stuck together. My bitch, she bad as ever. She bad. My niggas, they rich forever. They rich. Better go get your shit together. Woo. I get racks, I need more, I ain't selling. Get a pack and I'm pushing and peddling. I ain't fucking with him, he irrelevant. If she give me the, I ain't telling it. When I first met lil' baby, he was trapping it. Buzz down, wrist came from Elliot. I crashed in the pussy like an accident. Went and caught a limb and I'm mad at it. Bush down AP-012. You should buy a bag from a hotel. He ain't getting back shit, nigga, oh well. In the six man rich, he ain't hostile. Walking off on the plug, he do wholesale. My nigga caught a little charge, he got no bail. He rich, tryna chop down the op still. Wanna see my niggas touch a whole meal. I'm a rich nigga, now I did something right. Overbook, I did four shows in one night. Matter back, that's 802 nights. Big jet, I had to take a shower on the flight. Big jet, no little bag, got a big check. She get a bag when she upset. You fell in love, you ain't fuck yet. Overbook. I want your bitch that she getting took. I stack up my money like old books. Calling my phone, but it's off the hook. The money get stuck together. My bitch, she bad as ever. My niggas, they rich forever. Better go get your shit together. I get racks, I need more, I ain't selling. Get a pack and I'm pushing and peddling. I ain't fucking with him, he irrelevant. If she give me the, I ain't telling it. All this paper like I want a settlement. You get money, but I'm out your element. You done wiped up a thought I would never kiss. You be hanging with Reds, who be telling shit. Number one on the top of the rapping list, but I never get into the politics. I went number one mad at the chocolate. I see hate on your face and you proud of it. From the gutter where nigga be dropping shit. Chop the head off the Maybach, it's topless. If she mine, then she rockin' for leak. That ain't me, she belong to the street. Only mine. I been making her in once a week. I get money, I go overseas. Could've came back and bought on the keys. I'ma turn all these ends to bees. The money get stuck together. My bitch, she bad as ever. My niggas, they rich forever. They rich. Better go get your shit together. Woo. I get racks, I need more, I ain't selling. Get a pack and I'm pushing and peddling. I ain't fucking with him, he irrelevant. If she give me the, I ain't telling it. Calling my phone, get the operator. Why these niggas keep hanging, get started the paper? Why my bitch is so bad with no makeup? Why she sucking my dick every time I wake up? I get rest anymore, I can't settle. I'm too booked, you can't fit on the schedule. I'm the boss, you can't get on my level. When she suck it, I step on the pedal. The money get stuck together. My bitch, she bad as ever. My niggas, they rich forever. Better go get your shit together. I get rest, I need more, I ain't selling. Get a pack and I'm pushing and peddling. I ain't fucking with him, he irrelevant. If she give me the, I ain't telling it. Yeah. Man, you gotta know my role in this game is more than optimal. Switch the sweet, I optimo, it don't matter, I'm all dope. My history contrives a loneliness and misery. Put it in the music until you play in the disc of me. Blessed with the sounds, put your chest in the ground. Slowly but surely, a piece of me in every town. But it's love though, cause one day we gon' leak above. After leaking out blood, but until that day interrupts, I say that we should keep it going. Cause that day we ain't knowing, I ain't doing nothing but just growing, respecting what you hold. Work till I die, this is just a piece of me. My soul, my blood, my time, my energy. Look into my eyes, I don't really know what you would see. And my loss is just a product in its infamy. Tell me why I work till I die. Et vous êtes toujours dans les bons crus. On vient d'écouter donc un morceau que j'ai sélectionné. Le groupe s'appelle Greenova South et c'était Work Till I Die, le titre du morceau. Donc ça, bah, pareil, un peu comme toi, ça date du confinement. Comme quoi, il y a des albums qui t'ont marqué et t'as envie d'en parler maintenant. Depuis, on n'a pas trop fait d'émissions en plus, c'est vrai. Bah, aucune même. Et c'est surtout que je continue à l'écouter régulièrement, cet album. Déjà, la pochette, c'est Hector de la Vallée, je sais pas si vous voyez. Non. Il fait des trucs pour des blogueurs rap, style PBS. Il a fait des... Une belle identité visuelle. Ouais, on connaît un peu au stylo. Enfin, je sais pas trop quelle est sa technique, mais c'est souvent du noir et blanc. Ok. Et donc, ça m'a replongé dans les perdants magnifiques du cloud rap. Je les appelle comme ça. Les perdants du cloud rap. Ça aurait pu sortir en 2012. Enfin, C'est des groupes, enfin, c'est des rappeurs qui ont émergé à cette période-là. Mm-hmm. Comme tu dis, 2012, voilà, par là. En même temps que ASAP Rocky et le Rider Clan. Ouais. Et donc, il y avait un groupe, c'était Main Attraction. Ils sont d'ailleurs sur la première mixtape de ASAP Rocky. Ok. Ouais. Ah, ça me disait un truc. Et eux, franchement, derrière, ils ont peut-être jamais percé. Enfin, on s'en souvient plus trop. Donc ce groupe, Greenova South, c'est un super groupe qui est composé donc, d'un des rappeurs de Main Attractions, qui s'appelle Squad Abby, qui s'est connecté avec le rappeur Paperboy, qui lui était un rappeur plus ancien. C'est celui qui a la voix super aiguë au début, là, un peu franchement atypique. Quoi. Ouais, surprenant. Ouais, c'est surprenant au début du morceau. Ouais. Et quand j'ai réécouté sa voix, je me suis dit « Ah ouais, Paperboy, c'était lourd et tout. » Ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai écouté c'était quoi cette chanson de Joker, la mélodie des Quartiers Pauvres. Bon, c'est pas du tout le même style, hein, mais je me rappelle la voix. Ouais, t'es un peu choqué. T'es sur là, ah d'accord, moi, sur ça rap. Ça me fait plus l'effet quand j'ai écouté la première fois Quasimoto. Ouais, il y a ça aussi. Sauf que lui, j'ai pas l'impression qu'il y ait des effets dessus. Non. J'ai mais l'impression que c'est sa vraie voix, tu vois. Un truc étonnant. Ouais, c'est ça. Et bah lui, il a tout le temps cette voix. Il a été assez rapidement associé à cette scène cloud, alors qu'il faisait du rap avant, mais parce qu'il avait ce côté de très lent, tu vois. Et du coup, ça correspondait à l'esthétique. Et il allait chercher forcément des instrus dans le même style. Et pour compléter un peu ce super groupe, il y a un des producteurs de Blue Sky Black Death, qui ont produit pour Nacho Picasso, donc encore un autre perdant magnifique du cloud rap, donc mec pas connu non plus. Mais eux, ils ont un univers de production très, très spécial aussi. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque et je continue à les écouter. Et d'ailleurs, tous les projets avec Nacho Picasso sont lourds. Donc voilà, ça c'est petite découverte sur Twitter aussi. Je sais plus qui, mais voilà, dédicace si tu te reconnais. Donc j'ai réécouté ce projet et je me suis réécouté aussi d'anciens trucs qu'ils avaient fait et franchement c'est lourd. Donc tu vois, tu veux quitter Twitter alors que franchement, franchement j'ai regarde, ça fait deux fois qu'on cite Twitter en 25 minutes d'émission. Non mais petite dédicace à Swamp Diggers parce que je suis sur leur Discord et ça m'a aidé à quitter Twitter. Voilà. Ouais, j'ai vu un truc genre le Discord de Swamp Diggers, tu rates 30 minutes, il y a 70 messages, un truc comme ça. Ah ouais, ouais, ah ça critique déjà. J'avais franchement vu un truc passer, c'est lourd pour faire son digging et tout et okay, que des pointures, des gens qui viennent du forum de l'ABC d'Art du Son, enfin cool. Voilà, donc l'album s'appelle Street a Hard Way et je vous le recommande, vraiment très cool. Donc voilà, ils ont conservé l'esthétique cloud rap de l'époque et en même temps ils ont continué à rapper, ils sont encore meilleurs qu'avant et c'est très très lourd. Et il y a un peu un côté funk aussi, un peu ça ouais. peut te plaire sur certains morceaux. Ouais, plus que celui-là. Dans les sonorités. Celui-là est vraiment un peu cloud, mais derrière il y a des morceaux funk. Je crois que Simon t'enchaîne avec un rappeur. Ouais, j'enchaîne avec un rappeur chanteur donc qui se prénomme Santi ou Cruel Santino, donc je sais pas si Cruel Santino, ouais, Cruel Santino, mais je l'ai découvert sous le nom de Santi et donc il avait collaboré avec des artistes anglais dont Jules, si je ne m'abuse, c'est un DJ en fait. Jules. C'est d'Afrobeat exactement. Il avait fait un titre en fait avec Santi l'an dernier. C'est un producteur Jules. Et j'avais pas exploré plus que ça. Et cette année, je sais pas ce que j'ai écouté. Je crois que je suis tombé en fait sur ce titre dont je vais parler, qui s'appelle Sparky. Et j'ai écouté ça et ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai été écouter en fait l'album qui s'appelle Mandy and the Jungle, qui est sorti en 2019. Et donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai écouté ça beaucoup cet été. Et oui, je précise que j'utilise les nouvelles règles de la récolte. Qui permet. Mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Non oui, ok, d'accord. Bon, c'est bon alors. C'est ça qu'on n'a pas précisé. Non, pour les auditeurs, pour qui comprennent. En parlant quand même. Avant, la récolte, c'était plutôt les nouveautés. Et en fait, comme on est assez d'accord dans l'équipe sur le fait qu'on n'écoute plus les nouveautés comme ça tout le temps. On n'est plus trop à la recherche de ça. On réécoute souvent des vieux albums, des vieux trucs. Et où on réécoute après coup des trucs qui sont sortis dans l'année. Donc voilà, la récolte est plus ouverte, il y en aura plus souvent, deux fois par mois, et ce sera des morceaux qu'on écoute c'est sur le moment. Nos morceaux du moment, pas les morceaux du moment. Exact. Du coup, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce mix justement entre R&B, bon, il y a peu de rap quand même, hein, justement l'afrobeat, mais on sent qu'il a une grosse influence, voilà, il a écouté beaucoup de musique d'artistes américains, même sans doute en Europe. Pour moi, c'est un peu un prolongement de la période... Views pour Drake, un peu voilà, cette espèce de mix entre pop, rap, R&B, Afrobeat. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et ça m'a suivi tout l'été. Voilà, donc tu peux lancer allez, c'est ce parti. Bon Sparky. Thank you. Et on a un peu calmé l'atmosphère avec cette petite mélodie de, ouais, de Thundercat. Grave, je sais pas, il m'a plu ce Thundercat sur ce morceau là, Dragon Ball Durag. T'as vu le clip? Ouais, j'ai vu le clip. Est-ce qu'il est en rapport, parce que le nom est quand même il assez porte un Dragon Ball Durag dans le clip. Ok, incroyable. Mais par contre, le clip est incroyable. Je vous conseille d'aller le voir, le clip. Donc pour ceux qui connaissent pas quand même Thundercat, tout le monde ne le connaît pas, c'est pas non plus un artiste, enfin j'ai pas l'impression que ce soit quand même le plus médiatisé de tous les artistes, non, quoi. C'est sûr. Donc en fait, donc ce single là, Dragon Ball Durag, il est sorti le 25 août 2020 sur Spotify, ou enfin sur les plateformes de streaming en tout cas. C'est un rappeur, batteur, bassiste. C'est un mec de Los Angeles. Il a fait un label qui s'appelle Brainfeeder avec son ami, vous devez tous le connaître, Flying Lotus, du coup. Ouais, bah ouais. Qui est aussi producteur. C'est un peu cette scène hip-hop underground de Los Angeles, ouais. Quoi. Qui est... Ouais. Bah, de toute façon, il s'est fait connaître Thundercat pour son featuring avec Kendrick Lamar, là, sur These Walls. Ouais, ouais. These Walls, ouais. Pour lequel il a eu un Grammy d'ailleurs. Ouais, ouais. Et il était beaucoup sur cet album de Kendrick Lamar. Enfin, il avait même plus que. Oui, plus que. Je sais plus s'il était sur plus d'un son, mais en tout cas, il était un peu dans l'équipe direction artistique, ouais. Je crois, de l'album. Ouais, ouais. Et ça se ressent d'ailleurs. Bah, c'est un artiste multi-palette. Il sait faire plein de trucs. Voilà. Bon, après, c'est pas tout le temps ce que j'écoute, mais des fois, un peu de douceur. Genre le matin, je me réveille, j'écoute ce morceau. Ça me met dans de bonnes vibes. Un bon mood. Ouais, grave. Donc ça, c'était un single récent, donc peut-être qu'il va sortir un truc bientôt. Il vient de sortir un album en avril, ouais. Là, le 4 avril, mais j'avais trouvé moins bon que ce single-là. Ce single est arrivé après. Ouais, d'accord. Après l'album, ouais. Ouais, ouais. Et je trouvais mieux. Après, faut aimer. Dans l'album, il y a à boire et à manger, tu vois. Mais c'est pas... Moi, j'ai préféré ce morceau-là, tu vois. Et vraiment, comme je me l'écoute de temps en temps, tu vois, il n'est pas sorti il y a longtemps, mais quand je l'ai écouté, chaque fois, je me le mets un peu quand je suis en scooter, tu vois, je me le mets, parce que j'ai un casque avec les écouteurs, je me le mets quand il fait beau et tout, je suis content. Il sent bien. Tu vois, un homme heureux. Un petit virage et tout, tac, je klaxonne personne, je râle sur personne. C'est une petite ride joyeuse. Ouais, peace. C'est ça, je suis content. Le bien-être, quoi. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Et je vais continuer un peu dans un truc un peu soulful, comme on dit. Soulful. Avec un bon accent. Donc, moi, il y a un album que je réécoute beaucoup ces derniers temps. C'est un album de Ghostface Killah. Donc, un des membres éminents du Wu-Tang Clan. Et ce qui est marrant, c'est que c'est, je crois que c'est son quatrième ou cinquième album. C'est un album qu'il a fait un peu sans le Wu-Tang, à part deux prods de Reza. L'album, il sort en 2004, je crois. Et avant, il faisait tous ses albums avec Rick One. Quasiment des albums, des duos, quoi. Lui et Rick One, c'était... y a Only Built for Cuban Links, qui est plus un album de Rick One, sur lequel il est très présent. Mais il y a les siens aussi, Supreme Clientele, le précédent... Là, Supreme Iron Clientele, Man. C'est Iron Maiden. Ouais. Supreme Man. Clientele, c'est le meilleur pour moi. Enfin, à mon goût, c'est hein. Le deuxième, là. Ouais, ouais, ouais. Le premier aussi, celui qui est sorti en 96, là, Iron Man. Iron Man, j'ai dit Iron Man Den, mais c'est le premier titre de Iron Man, mais voilà. Ouais, c'est des classiques, quoi, c'est des classiques. Et finalement, il a sorti cet album après. Et qu'est-ce qu'il lui a pris comme ça En fait, il signe chez Def Jam, mais il n'était pas embrouillé à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu la fin de l'époque glorieuse du Wu-Tang. 2004, ça commence à partir en couille. Mais Ghostface Killah, c'est un des rares à continuer à faire des albums de qualité même après, quoi. Il était toujours constant et je trouve que c'est un album sous-coté, comme on dit. Il est excellent. Les prods samplent beaucoup de soul, de funk. Lui, je le trouve très fort. Et c'est marrant, en préparant l'émission, je lisais les critiques de l'album à l'époque. Il disait ça aurait pu être un classique, mais il manquait un truc, c'était Rick One. Ouais, franchement, les mecs, nostalgiques. Je me dis, c'est un peu abusé. Ouais. Ouais. Donc, il y a vraiment des très très bons morceaux sur l'album. Moi, j'en ai retenu un qui est au début. Franchement, dans cet album, je zappe quasiment rien. Les samples sont vraiment stylés. Et dans les featuring, je citerai celui avec Jadakiss. Celui avec Missy Elliott. Il y en a un aussi avec les membres de, je crois que c'est D-Block. D-Block. Donc voilà, c'est vraiment lourd. Et là, celui-là, il est avec Trife Da God, qui est un mec proche du Wu-Tang. proche de Ghostface en particulier. Okay. D'ailleurs, sur cet album, il s'appelle Ghostface tout court. Il a retiré le Killa pendant... Ça a duré un an, je crois. Okay, voilà, après, il a remis Killa. Ouais, et l'album s'appelle The Pretty Tony Album. Et voilà, on retrouve les formules classiques de Ghostface où il parle de femmes, il parle de sa vie de gangster. Dans ce morceau, il y a des phases qui sont géniales. Où, je crois que c'est Tribe of God. C'est plus plutôt le featuring qui dit ça, mais il dit... Moi, sans un gun, c'est comme Brooklyn sans le... Enfin, Brooklyn Bridge. Sans, voilà, c'est ça. Brooklyn without the bridge. Ah, okay. Voilà, tu vois la référence. Okay, donc, okay. Vraiment, et ça rappe très bien. Je le réécoute, ça me rentre dans la tête. Voilà, j'adore. Donc voilà, La Récolte, on vous repasse aussi des petits classiques oubliés. Said a banana nutriment, man. I heard the fuck I said. I wrote it on the fucking paper, man. Motherfuckers always fucking around and forgetting something and shit. Smart, dumb niggas and shit running around here and shit. Y'all niggas need to wisen up, man. Yo, that special ed shit. I said, big O, hide your face. Pass me the sad zone, it's on. There go, son, tap out the hash bone. Half moon, he rock. 3/4 quarter length, no jewels, no rocks. His mouth was a spotlight. His front tooth was a half a hill. That's a 6-digit split behind 5-6. Eating still, fuck him. We gon' get our money. If we front, they gon' read about the rocks in his tummy. Mouth is red, socks is bloody. Fuck all the talking. Safety off and shit crept up without money. Freeze, don't move, turn around. Act like James Brown and get down. Get smacked with the pit down. Wasn't you the same clown? Uptown yapping. I keep Big Shirley on my side, so what's happening? Try eating these shells, they know I'm fattening. After you digest that, I'ma stomp you bastards, so take that. Bow, bow, those who still breathing. Bow, bow, anything after that, it don't matter. Your homies and your close relatives, even them nosy ass pigs that get splattered. It's the T-H-E-O-D-O-R-E. Send me to Iraq, I come back with dumb heat. Teeth, less than a week, they be calling me Chief of Defense, cause I sure do cook with his beef. Yo, what up? Meet these OGs. Clothes and baller shit. Long biscuits. Fuck around, take all your shit. Call your bluff. Y'all faggots don't want no beef. Grind your teeth and just roll with it. Don't risk it. Fuck around and be a statistic. Niggas ask why I use my Glock. Cause it's 2003, motherfucker. I refuse to box, intrude the block. Strip you for your shoes and socks. Remove your watch, or I'ma have to lose your top. I'm from a place where junk heads and zombies dwell. And niggas keep the heat blazing like Bonzi Wells. Don't ever talk to a nigga like I'm one of your kids. Cause I'll cock back the Mac and pop one in your ribs. So homeboy, keep running your jizz. I'ma run in your crib, pistol whip you right in front of your whiz. My nigga, that's how it is. I get it, just how I live. Cause me without a gun is like Queens without the bridge. Classic cut, this is how an OG live. Lamp in villas and still get hurt with no spins. This is Strike Diesel, New York's backbone. Back home, backblown and steered on, nigga. Fuck your wax stones. Yo, what up? Meet these OGs. Clothes and baller shit. Long biscuits. Fuck around, take all your shit. Call your bluff. Y'all faggots don't want no beef. Grind your teeth and just roll with it. Don't risk it. Fuck around and be a statistic. Yo, what up? Meet these OGs, clothes and baller shit. Long biscuits. Step around, take all your shit. Call your bluff. Nah, I mean, y'all faggots don't want that no beef. Live shit, run your teeth and just straight up and down. With it. Don't no, risk that it. Cutthroat fuck shit. Around and be a statistic. Mm-hmm. Blowing niggas back home. You know what I mean? I don't give a fuck. We can take it there. Whatever. Hits. Got him, nigga. Yeah, now I'ma strangle the game. No doubt. It's real right now, motherfucker. Y'all niggas done it. Fuck y'all, boo. Let me get the fuck out this fucking booth. Stood still on my lonely. Thinking about progression, like how can I move bro forward when the only one to rise is weapon? Yeah, the peaceful things all wavy, till it's one of your brethrens, or it's one of your sisters. Touch one of mine, I'm switching. Everybody wanna talk about race. but it won't go distance. Did BLM for a week or two, now the hashtag missing. Ooh, wrapped up like Christmas, while mum's still doing up grievance and feds still doing up freedom. I kept that on my wish list. What's wrong with the world? I don't know where you're on, but I know what I'm off. These days so numb I ain't got no feelings. I don't know where they gone. If you're done with the fight, then it is what it is. I'll be there on my ones. More time, man, don't want logical reason. Just snare and drums. Do a late night shift for the mortgage money. Dividends and sums. He got all that drip, but the boy in debt. That's liquid funds. I got rainy day money and digital currency. My accountant in love with me. I got God on my side and I pray that he cover me. Help me see the dishonesty. Energy that be hurting my shakadas. It's cool, I'm shaking him off of me. It's cool, I don't need apologies. First time was enough for me. If I say I got you, then you stuck with me. Treat they once properly. Me and mine be hitting the belly. You and yours be feeding hypocrisy. I get it. It's cool. I ain't them. I ain't you. You can never run a mile in my shoes. Road bumpy, read contracts, small prints can't bump me. Made mistakes when I got too comfy. Paved the way by the tarmac mucky. Fuck the fake, seem too much fuckery. Pour champagne cause the pain feel lovely. Still would've never changed one thing on me. Coming and try, yeah, I got that on me. Tucked in the trouser, walk like zombie. Talk like Robertson, ran like Tommy. Thinking he Clyde, but he moved like Bonnie. Top way, walk through the fire, sunny. Your boy ain't sweet like revenge and honey. Fix me a plate cause I came back hungry. Normal. Et on est de retour, toujours dans les bons crus. Donc qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Simon? C'était Koji Radical, c'est ça? C'est ça, on vient d'écouter l'anglais Koji Radical avec Progression Freestyle 1. On espère qu'il y en aura un 2 ou un 3. Donc Koji Radical, c'est un artiste londonien, je dirais plutôt underground, parce qu'il a pas, je trouve qu'il est pas... On a déjà parlé de lui, on l'avait déjà passé dans l'émission. Hein. Ah ouais, je sais, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait passé? C'était un morceau, tu sais, le morceau qui était assez entraînant. Là, ah, 97 Ouais. Ah oui, ça j'avais découvert Koji Radical du coup avec ce son, 97. Donc si vous l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter. Je pense que c'est toujours le son que je préfère de cet artiste. Ouais, mais c'est des sons qui fait plus. C'est des sons qui fait plus. Après, il est assez... là, dans mes notes, j'ai noté qu'il était plutôt discret. Mais c'est vrai, il est plutôt discret. Il fait quelques featuring. Il a sorti un album l'année dernière, je crois, et un autre en 2018. Mais je trouve qu'il se fait plutôt rare quand même. Ouais. Et il avait un côté sorti. Genre un peu 360 sur l'art, genre à faire du spoken word, à faire du rap pur et dur, à chanter. Je sais pas, il était dans la mode aussi, à faire des tableaux ou je sais pas quoi. Enfin, un artiste, disons, complet. La vidéo, ouais. Ouais, ouais. Et donc là, donc comme le titre l'indique, c'est plutôt un freestyle, un truc, je pense, qu'il a fait assez instinctivement. Donc c'est ni drill comme aujourd'hui on peut l'entendre beaucoup en Angleterre, ni trap, ni grime, mais en même temps je trouve que ça prend des influences de tout ça. Il ramène son petit style. Moi j'adore sa voix qui a vraiment un grain assez spécial, une voix assez, assez particulière. Voilà, comme j'ai dit, assez peu connu, mais moi j'attends vraiment son prochain projet parce que depuis que je l'ai découvert, en fait il n'a pas sorti d'album ou d'EP, mais j'écoute très souvent quand même Koji Radical. Je crois que c'était l'émission, franchement, ça doit faire quasiment 2 ans qu'on l'a faite, où on a passé son morceau, ça devait être une récolte. Je crois pas, parce que j'ai découvert ça, je crois, fin 2018. Ouais, 2 ans en fait. Ah oui, t'as raison. Quasiment 2 ans, hein. C'est ça que j'ai... On y vient, ça fait fin 2020. Bon, à suivre, hein. J'espère qu'il va sortir des trucs. Ouais. Du coup, Julien, le prochain morceau que tu avais sélectionné, c'était... J'ai sélectionné un morceau... C'est Big Moochy Grape, c'est ça? Exactement, ouais. Big Moochy Grape, en fait, il a sorti un album qui s'appelle Eat or Get Ate. Alors, petite référence à 50 Cent ou pas? Ouais, Get Rich or Die Trying, non? Un peu, non. Rien à voir, non, je déconne. Non, c'est mange ou fais-toi manger, ouais, quoi. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un rappeur de Memphis. C'est Darwin, en fait. C'est possible, je suis pas assez calé, mais si tu me le dis, je te crois. Donc rappeur de Memphis, il s'est fait connaître en fait avec un morceau qui s'appelle Big Juice, et surtout parce qu'il est signé chez un label qui s'appelle je vais y arriver, Paper Route Empire, c'est le label de Young Dolph. Yes. Et qui regroupe aussi K Glock et un bon copain à lui qui s'appelle Jay Fizzle, je sais pas si tu connais. Voilà. Jay Fizzle non, mais ouais, K Glock. Ouais, bien sûr, K Glock, Young Dolph, donc voilà, qui Young Dolph est un peu mec qui était un petit de Gucci, qui voilà, enfin bref, si tu remontes le tout. Donc le morceau que j'ai choisi sur, c'était son single en fait qu'il avait sorti sur l'album, qui s'appelle Oui. Voilà. Et non, franchement, je trouvais cet album incroyable. J'ai adoré la cover. Allez la voir. C'est une espèce de patchwork de plein de trucs qui sont collés les uns sur les autres. Et j'ai trouvé vraiment une énergie dans ce jeune rappeur. Et son nom incroyable, Big Moochie Grape, j'ai dit ok, pourquoi pas. En fait, j'ai vraiment écouté par hasard. Je me souviens, tu nous l'avais envoyé, et ouais. C'est le morceau d'intro, je crois. Ouais, en fait, c'était le single, ça commence par ce morceau-là. Mmh. Et franchement, j'ai trouvé vraiment tout l'album lourd de ouf. Ouais. Moi, personnellement, un petit bémol, j'ai trouvé ça assez répétitif sur la suite, mais c'est vrai que ce morceau-là, il est particulièrement stylé. Ouais, il est stylé. Après, il y a un truc. Comme tu peux, si t'écoutes le dernier album de Young Dolph, bah, je vais en parler juste après. Mais, ouais, c'est aussi répétitif que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est, je trouve, enfin, personnellement, après, c'est. Ouais. Mais moi, il pourrait répéter, c'est comme un album de Gucci, tu pourrais répéter 100 fois la même chose, que je trouve c'est incroyable. Mais après, c'est peut-être pour ça que je suis pas très, comment on appelle ça ? Ouais, très objectif, exactement. Merci Simon, sur cet album-là. Mais en tout cas, ça m'a plu. Ouais. On l'écoute, ce Big Moochie Grape. Pull up and do damage. Fucking that bitch, she came with no panties. Spin on your block and my hashes, they vanish. Thinking I'm dreaming for a billion like fans. Walk in the club and my diamonds be dancing. Pouring up folds, my bitch get a tan. The way that I did it, you say it's outstanding. Go take look, nigga, big house, but I trap at the vape. Make for him whipping it, bitch, and on forges escape. Scrolling my wrist, and then every day coming like a Friday, bitch. Or really, they date. Give me a little nigga, bitch, and I hit the whole sideways when I'm in the trade. Young nigga, insane in the membrane, Cartier frames, Johnny Cage. Yes, sir. Yes, sir. Mama say you living life fat, gotta slow down. Then get a little bit, now she call me low down. Young nigga got the most scratch, better know now. On my call, get hit with the K round. Fuck with my niggas, we pullin' with chops. Call up the morgue, no need for no dog. Get in location, we pop out and drop. That boy sleeping hollow, now we live on top. Before I leave the house, I'm loading my cock. Make sure the whole thing full and I cock. We found out you're sweet, then we shaking your pocket. This little nigga here, yeah, he hot as a taki. Beam with your gray rum, a hood and a stamp. Me and my nigga pull up and do damage. Fucking that bitch, she came with no panties. Spin on your block and my hashes, they vanish. Thinking I'm dreaming for a billion like fans. Walk in the club and my diamonds be dancing. Pouring up folds, my bitch get a tan. The way that I did it, you say it's outstanding. Like fuck all them Grammys. I post all AB when we still sell them Grammys. Real talk, no care, we might sell your mammy. Don't step on my grand bitch, I feel like I'm standing. Plug on the bum and he clutch it like man. He give me that call and I catch it like Randy. Runs in my back when I'm puffing this candy. Walking the B with blue honeys, I'm fan. No Nick, gang on wild out with the can. My old head 50, he whip with the fish. Walk in the trap, you gon' see dirty dish. They smoke in the room, we shoot dice in the kitchen. Plug say you got a good price with the tick. Bring your coupon, get a chicken and bitch. We talk about drugs, that's the life that we live. 20 in my left pocket, 20 in my right. Everybody like that, he done came up overnight. Goddamn. 20 in my left pocket, 20 in my right. Rick. Everybody like them, he done came up overnight. Big Mooch. Big Mooch, gray rum, a hood and a stamp. Me and my nigga pull up and do damage. Fucking that bitch, she came with no panties. Spin on your block and my hashes, they vanish. Thinking I'm dreaming for a billion like fans. Walk in the club and my diamonds be dancing. Pouring up folds, my bitch get a tan. The way that I did it, you say it's outstanding. Yeah. down, didn't have no choice but to go up. Pull up. Spending racks and emails on my girl, watching her glow up. Rich nigga, still in the neighborhood, still eating coke cuts. Yeah. Street nigga, bitch, I'm in a Bentley doing donuts. Yeah. Taught myself how to get millions, ain't nobody show us. From my young nigga, 50 balls, told him little nigga, grow up. Uncle Vic told me stay down with this shit till it blow up. I got you smoking on some shit you not got, walk in my soda. Dirty. Used to sign for the packs, now I sign t-shirts and posters. Drop 500 racks to drop the top on that new roaster. Balenciaga the drip. It's dope. First class, Dubai, take a trip. Spend a little bit, stack all the chips. Stack it up. I walk in my jail and go crazy. Woo. Can't get money with me, you too lazy. One thing I ain't never did was never, ever, ever let a bitch play me. Hell nah. Sorry. I put it down in the city, now I'm up, nigga. Hey. I used to eat 100 P's just for lunch, nigga. Woo. I got fuck niggas recruiting other fuck niggas. Hustle hard, ain't no such thing as luck, nigga. Hold up. Down for so long, didn't have no choice but to go up. Pull up. Spending racks and emails on my girl, watching her glow up. Rich nigga, still in the neighborhood, still eating coke cuts. Yeah. Street nigga, bitch, I'm in a Bentley doing donuts. Yeah. Taught myself how to get millions, ain't nobody show us. From my young nigga, 50 balls, told him little nigga, grow up. Hold up. I just pulled an 8 of codeine and a Coca-Cola. Right. I make it look too easy, I carry my whole hood on my shoulder. Damn. If money not in the equation, please do not approach us. Swear to God. Cut my day one nigga off because of jealousy. Damn. Every day I'ma get fresh and pull up medicine. Dirty. Pull too much cert by mistake because I'm heavy hand. Bitch, I'm the plug, best friend, you just a middle man. Hey, fuck them niggas. I don't fuck with them niggas, I'm cut from a different cloth. Yeah, yeah. Ask your CEO and your rap friends why they hate dope. Rich nigga, how I pop it on pop it. The top come out, so I dropped it on him. Paid 30K over sticker price, I had to cop it on him. Hold up. We was down for so long, didn't have no choice but to go up. Pull up. Spending racks and emails on my girl, watching her glow up. Rich nigga, still in the neighborhood, still eating coke cuts. Yeah. Street nigga, bitch, I'm in a Bentley doing donuts. Yeah. Taught myself how to get millions, ain't nobody show us. From my young nigga, 50 balls, told him little nigga, grow it's up. Dope. Yeah. I remember my mom and dad were living in a one room shack. Nowadays, I wake up in a mansion. I remember my mom and dad didn't even have a car. I don't wanna get started till nowadays, man. Half of this shit out there on my driveway, I can't even spill this shit, man. On God. It's dope! Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et voilà, les connexions sont faites, ouais, on est passé de du fils au père. Ouais, exactement. Un gros morceau d'ailleurs de Young Dolph, je trouve. Ouais. Un de mes préférés de l'album, enfin même voilà, mon préféré de l'album. L'album c'est Rich Slave, il est sorti récemment. Et le morceau c'est Hold Up. Donc, pareil, un truc qui se répète à l'infini. C'est un peu l'art de se répéter. Ouais. Mais d'une manière assez experte. Ouais, tu vois, on en parlait juste avant là. I gotta stay fly. Tu vois ce que je veux dire? On parlait des influences hors antenne de la True Six, de la True Six, pas que, hein, d'autres groupes. Et tu vois, cet art de la répétition, tu me parles, ça me fait penser à ça aussi, tu vois, tout de suite. J'avoue que je reprochais à Big Moochy Grape de se répéter un peu sur son album. Sur cet album de Young Dolph, tu m'as dit, ça pourrait être la même chose. Mais c'est peut-être que, comme j'ai saisi le délire, je suis rentré dedans. Moi, je vois les variations. Ouais. Et je me souviens, quand on en a parlé de cet album, tu m'avais dit, il a atteint un niveau de connaisseur, tu vois, de genre... Ouais, c'est ça, exactement. Genre, c'est comme quand tu commences à kiffer certaines variétés de vin et que tu vois la différence entre deux châteaux qui se ressemblent. Ouais, deux châteaux, un qui est à côté de l'autre. Tu vois les petites nuances, la richesse du truc. C'est ça. Et moi, je trouve que sur Rich Slave, il atteint un niveau genre... je vais pas dire qu'il est en mode automatique, mais ça m'a fait penser à l'album de Future, The Wizard, où tout le monde a dit ouais, c'est le futur qu'on connaît, il nous surprend plus, alors que c'était le futur de la perfection, tu vois. C'est le mec sur ses placements hyper précis, t'as rien à reprocher sur le morceau, tout est bien construit, tout est parfait, si ce n'est la surprise. Après, quand même quelques surprises sur Rich Slave, genre rien que là, ce morceau là, ce type d'instru, en fait le choix des instrus, il est quand même je trouve qu'il a passé un next level. Moi, j'ai trouvé excellent le choix des prods sur l'album. Ah oui, complètement. Mais par contre, on est toujours sur ce schéma de beat. Tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, les charlets. Oui, bien sûr. Le schéma, les instruments derrière sont les mêmes. Ses placements sont les mêmes. Mais ses placements sont les mêmes. Mais c'est juste du... Comment on appelle ça, c'est du karaté centième dan, tu vois ce que je veux dire, c'est imparable. Il est vraiment très fort dessus. Bah, il est fort, il est incroyable. Tout est synchronisé, genre il y a pas de place pour de l'improvisation. Non, c'est hyper bien fait, et franchement j'en étais très content. Il est très très fort. Ah, je l'ai écouté plein de fois, j'adore. Franchement, on parle d'Alpha One comme un rappeur très très technique, mais aussi dans ce style de rap plus trap entre guillemets, il y a aussi des rappeurs très techniques comme ça qui arrivent à une perfection de... Bah franchement, tout est maîtrisé dans son album, il est vraiment très beau. Et voilà, donc ce morceau, moi ce que j'ai apprécié, ouais, c'est le petit sample derrière, le truc... Le tada. Ouais. Ouais, il est vraiment bien. Voilà, donc Young Dolph, écoutez le Rich Slave, et il y a... Ah ouais, il y a un peu un discours social, avec les interludes et tout. Alors je sais pas, je vais pas reparler de ce qui se passe aux États-Unis avec... on en a déjà parlé, les violences policières, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit discours social, rien que le titre « Rich Slave ». Enfin voilà, tu vois, il est dans cette provocation-là de... Mais voilà. Je pense que quand ça renvoie à ce que Kanye avait fait à l'époque aussi de... Mais même ce qu'il a sorti, son dernier single qu'il a fait. C'était sur la police, tu sais, tu l'as écouté. Ouais, bien sûr. Et même l'album d'avant, pas l'album d'avant, l'album qui était un peu dans cet esprit, le Yeezus, où il y a ce truc-là, où il dit que les Noirs ont des chaînes autour du cou au lieu de les avoir autour des pieds, quoi, entre guillemets, que c'est des esclaves modernes de la consommation, quoi. C'est dans New Slaves. Voilà, New Slaves. Voilà, j'ai fait le lien, donc après, je sais pas. Mais dans tout, t'as Black Skinhead. Après, voilà. Young Dolph, ça reste quand même un mec qui parle de ses belles voitures et des meufs qui baisent, etc. De drogue, etc. Mais, je sais pas, j'ai senti un truc sous-jacent, un truc de discours social. Voilà. Je trouve ça cool. Il nous reste plus beaucoup de temps. C'est quasiment la fin de l'émission. Ouais, 3 minutes. Je sais pas si on passe un dernier morceau. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce que... Vas-y. Hein. Vas-y, on va s'envoyer un petit dernier morceau. Julien, t'avais insisté. Il y avait un morceau. J'ai pas forcément insisté. Hein, mais c'est en fait le titre du morceau s'appelle Lil Baby, mais c'est pas un morceau de Lil Baby. Donc non, ça m'a intrigué, donc je voulais que tu m'en parles. Alors. Ok, en fait, je fais très rapidement. Le mec s'appelle G Cup. C'est un mec qui est absolument inconnu. J'ai flâné de Spotify en Spotify. Il a 20 auditeurs par mois. Son Instagram, il a 70 followers à peu près. Quoi. Enfin bref, c'est un mec qui est inconnu. C'est un mec d'Arizona et j'ai trouvé son album incroyable. Il s'appelle Motel 66. Allez écouter, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, ciao. Motel 666 G Cup. Parfait. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, bonne soirée. Et je trouve pas le morceau. C'est parti. Allez, ciao. Keep the sticks, wait, let it go crazy. I'm fucking little baby. She don't let me talk, so she do that shit crazy. Fuck my little baby. She say she fuck with us, but we going too crazy. Fuck my little baby. The homie keep the peace in case you get crazy. Fuck my little baby. The homie keep the sticks, so he let it go crazy. Fuck my little baby. She don't give me talk, so she do that shit crazy. Fuck my little baby. She say she fuck with us, but we going too crazy. Fuck my little baby. The homie keep the peace in case you get crazy. Hit from the back, I'm on the OnlyFans. Dropping it down like I'm throwing bands. My drip be like water, I'm swimming in it. Strip on the crib with a stripper in it. Hit from the back, put a finger in it. Shit, I'm dirty with it, she too flirty with it. My Sprite be purple, got some muddy in it. If I buy her a bag, she let my buddy hit it. Be shiesty as fuck. Went to music, say it's hyphy as fuck. Homie pulled up with the Drizzy Draco. Can't bring him nowhere, he crazy as fuck. Walk with a lean, I been sipping on mud. Cocky with it, got it straight out the mud. Go and hit it, then I pass on my bruh. Rule number one, don't show bitches no love. I'm fucking little baby. The homie keep the sticks, wait, let it go crazy. I'm fucking little baby. She don't give me talk, so she do that shit crazy. I'm fucking little baby. She say she fuck with us, but we going too crazy. I'm fucking little baby. And the homie keep the peace in case you get crazy. I'm fucking little baby. The homie keep the sticks, wait, let it go crazy. I'm fucking little baby. She don't give me talk, so she do that shit crazy. I'm fucking little baby. Let's go. She say she fuck with us, but we going too crazy. Yeah. Fucking little baby. Now homie keep the peace in case she get crazy. Let's go. Dropping the top on the coupe, playing peekaboo. Hit from the back and she thicker than Masha Boo. Chew with the ops and you know you can get it too. Kicking that bitch right the fuck out the vehicle. Fuck it, we back to the basics. Disappearing like a flight from Malaysia. Claim I'm the one like I'm Neo from Matrix. Uppercut giving that youngin' a facelift. I'm giving her dick in my Reeboks. I do not dance, don't belong on no TikTok. Burn through these rubbers like I'm at a pit stop. Fucking her good, got it sounding like flip-flops. I think she belong to the streets, but she making it bust like the 40 on me. I'ma hit it and dash, I got somewhere to be. I'ma fuck on a golf pick, shout out to Pete. I'm fine, little baby. Don't make me keep the sticks, wait, let it go crazy.